matin. Toujours le même. La crème. Combien je fume de shit. Combien je cauchemarde. Combien la vie est dure. Combien la mort est simple. Combien j'ai perdu d'années, toujours été condamné. Combien tenu de choc, sais-tu combien j'ai perdu d'amis. Qui a versé des larmes, qui m'a passé des armes. En tout cas, ça n'est pas eux qui font que j'ai le passé bizarre. Ouais, ouais, combien font des sous, combien sont des beaux caves. Qui joue le gangster qui, devant toi, est tout calme. En tout cas, moi, je m'en bats les couilles de vos listes. À l'heure où je te parle, combien sont crevés par la police. Tiens, en parlant d'eux, mets-le en statut sur le net. Combien sont des fils de pute, et dis-moi combien sont honnêtes. Dis-moi qui t'es fidèle, que j'ai tellement respect. Combien t'avais promis la lune. Combien ton jour est resté, pareil pour les femmes. Combien me tiennent la route, me donner le volant de ma confiance. Tout ça pour qu'elle me crève la roue. C'est impossible, je te laisse même pas toucher la jante. Pour pas te donner de sentiments, combien j'ai donné à la jonque. Combien je l'ai gagné, dis au moins ce que j'ai perdu. Tu peux te faire canner, à trop traîner sur le tertus. On s'est habitué, combien se noient dans leurs larmes. Et combien se font tuer, qui aiment vraiment sa femme. Dis-moi qui la tapasse, dis-moi qui t'observe. Je te dirai qui veut ta place, ne t'attache pas à elle. C'est les penses qu'à cocher, avant de côtoyer. Combien de skeg elle a touché, dans sa boule remplie de bise. Combien t'ont dit je t'aime, combien se font la bise. Avec le cœur rempli de haine, qui m'a poussé à bout. Combien m'ont apaisé, qui t'a fait l'amour, qui. Dis-moi qui t'a baisé, quelle merde veut m'atteindre. Qui veut me clash, que je lui nique sa mère. Et qu'enfin je me lâche. Moto, rançon avec ta mère en photo. N'oublie pas, je suis un aigle, né parmi les vautours. Et tu verras, tu paieras, ça je te le garantis. Pourquoi faire du rap en sachant que tu vas mentir. Bandit, nous le sommes depuis la naissance. Que des têtes cramées parce que l'on carbure à l'essence. Combien de haine, combien s'aime. Après avoir eu de gosses, t'as mis combien saigne. Avoir une carapace, oui c'est la devise. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai ce que tu vas devenir. Combien je vais gagner, dis au moins ce que j'ai perdu. Tu peux te faire canner. À trop traîner sur le tertus. On s'est habitué. Combien se noient dans leurs larmes. Et combien se font tuer. Qui aiment vraiment sa femme. Dis-moi qui la tapasse. Dis-moi qui t'observe. Je te dirai qui veut ta place. Ne t'attache pas à elle. C'est les penses qu'à cocher. Avant de côtoyer. Combien de skeg elle a touché. Combien je vais gagner. Dis au moins ce que j'ai perdu. Tu peux te faire canner. À trop traîner sur le tertus. On s'est habitué. Combien se noient dans leurs larmes. Et combien se font tuer. Qui aime vraiment sa femme. Dis-moi qui la tapasse. Dis-moi qui t'observe. Je te dirai qui veut ta place. Ne t'attache pas à elle. C'est les penses qu'à cocher. Avant de côtoyer. Combien de skeg elle a touché. C'est-tu au moins ce que j'ai perdu. À trop traîner sur le tertus.